Bonjour, c'est Laurent Bazin. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour Europe Soir. Europe Soir, c'est 2 heures d'infos, le journal, l'invité, le fait du jour avec vos réactions et vos témoignages. Et puis vous, Frédéric Taddeï, à partir de 19h. Europe Soir, le débat, 1 heure de confrontation sur l'actualité avec autour de moi des invités qui savent vraiment de quoi ils parlent, qu'on n'entend pas ailleurs. De vrais débats, mais des débats pour comprendre. Europe Soir, porté par Laurent Bazin et Frédéric Taddeï. C'est ce soir de 18h à 20h sur Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Ariane Dollfus vient de faire paraître chez Artaud une biographie de Maurice Béjart sous-titrée Le Démiurge. Et elle est cet après-midi l'invitée de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Maurice Béjart a marqué, je le disais à l'instant, à Maxime. En tout cas, elle a symbolisé au XXe siècle la danse moderne aux yeux d'un immense public. 10 ans après sa mort, il devient possible de mesurer son héritage, possible aussi d'aborder la personne avec ses grandeurs aussi bien que ses faiblesses. Voilà ce à quoi nous allons nous employer pendant 1 heure. Et comme nous sommes vendredi, aujourd'hui, vous allez nous livrer votre coup de cœur. Oui, ce qui nous amènera au cinéma. Allez, pour le moment, nous partons pour Bruxelles, en 1959, à la rencontre d'un jeune chorégraphe nommé Béjart. Nous sommes début décembre 59, un matin d'automne donc, et au moment où il pousse la porte du studio de répétition, Maurice Béjart ne sait pas au juste ce qu'il va exiger de ses danseurs. Il n'a pas de notes, pas de vision très précise de ce qu'il va inventer. Il improvisera avec les danseurs en suivant le fil de son inspiration. Quelques semaines plus tôt, Huysmans, le directeur du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, lui a demandé de créer un ballet sur le Sacre du Printemps de Stravinsky. En acceptant, Béjart savait que le défi était très lourd à relever. La version du ballet créé par Nijinsky en 1913 avait provoqué l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'art. On a eu l'occasion déjà de parler de Nijinsky et de ce scandale du Sacre du Printemps. Béjart a 3 semaines maintenant pour marquer les esprits, pour créer une œuvre. Il va passer des jours et des nuits entier à écouter les rythmes furieux du compositeur. Il a un petit tourne-disque portable, hein, et il faut imaginer son cerveau en ébullition. Là, il est en train de chercher des idées dans le studio de répétition. Les danseurs ont perçu l'agitation extrême qui s'est emparée du chorégraphe. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils travaillent avec lui, mais ils savent que l'homme est exigeant. Dès qu'il a une idée, Béjart désigne un danseur comme ça, toi. Il va lui demander à ce danseur d'illustrer le mouvement. Il faut que vous deveniez personne, dit-il à ses danseurs. Des êtres primitifs et anonymes, réduits à vos corps. Le chorégraphe dégage une sorte d'aura. Il a un pouvoir de fascination assez impressionnant, dû en partie à ses yeux, ce regard bleu d'acier très profond qui vous fixe de façon pénétrante. Lorsqu'il vous regarde, c'est un petit peu comme s'il vous déshabillait, comme si vous étiez transparent, qu'il voyait même à l'intérieur de vous. Béjart envoûte ses danseurs autant qu'il les effraie. On connaît ses fâcheries, ses agacements qui sont fréquents. Il y a un ambassadeur dans la salle ce soir, alors tu danses, sinon tu pars, dit-il un soir à une ballerine qui pourtant était souffrante. Elle va quitter le théâtre en pleurs, du coup. Le soir de la première arrive donc, et depuis les coulisses, Béjart voit le rideau se lever, dans le noir encore, les premières notes de l'ouverture de Stravinsky, orchestrées par Pierre Boulez, s'il vous plaît, le doux chant du basson qui résonne comme ça dans la salle. Sur scène, lumière bleutée, on voit déjà les silhouettes des 2 élus de Béjart, les danseurs Germinal Cassado et Tania Bakri qui forment un couple en costume épuré. Ils sont entourés de 2 groupes de danseurs, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes. On s'attend à des arabesques, à des pirouettes fouettées, des entrechats, que sais-je, des sauts de biche. Rien de tout cela. 2 masses de corps qui se font face, qui s'affrontent, se toisent, se confrontent. Ce sont des corps à corps, des danses brutales, martiales, quasi animales. Et tout ça, parfaitement maîtrisé, bien entendu, comme sublimé d'une certaine manière dans ces dégradés de bleu, d'ocre, de vert. Les mouvements des danseurs vont finir par hypnotiser la salle. Il y a quelque chose de primitif là-dedans, d'essentiel, d'archaïque dans ces torses bombés, dans ces mouvements du bas-ventre, ces grimaces, ces déplacements presque bestiaux. D'ailleurs, Béjart dira « Mon rêve était de créer ce ballet dans les grottes de Lascaux, tout est dit ». Dans le sacre, les danseurs sont exactement comme quand ils sont sortis du ventre de la mer, dit-il. Vous voyez qu'il y a quelque chose de primal, finalement, dans ce ballet qui va être un succès. On peut dire que c'est une œuvre qui est née, une grande œuvre, et pour Béjart, une victoire, d'autant plus grande qu'elle vient après de longues et terribles années de difficultés, de travail, dans l'humiliation, bien souvent. Peut-être ressent-il ce soir-là un parfum de revanche. Il faut dire que la danse n'a jamais été une évidence pour Maurice Béjart quand il naît à Marseille en 1927. Le 1er janvier 1927, ça ne s'invente pas. C'est un garçon un petit peu maigrichon, atteint de scoliose, qui a davantage d'appétit pour les nourritures intellectuelles. En tout cas, c'est ce qu'il va montrer dans les premières années d'une vie déjà assez foisonnante que pour celle du corps. Il ne s'appelle pas Maurice Béjart, il s'appelle Maurice Berger. Il ne prendra le nom de Béjart que plus tard. Pourquoi Béjart ? Il dit que c'est par référence à l'épouse de Molière, c'est-à-dire Armande Béjart. Il aurait pu au moins faire allusion à sa mère, Madeleine, qui elle au moins était chef de troupe et metteur en scène. Bref, sa mère, à Maurice, meurt alors qu'il n'a que 7 ans. Il se souviendra toujours de ce jour où, alors qu'il est en train de se promener avec elle sur le vieux port de Marseille, elle lui dit « Maurice, je vais partir pour un très long voyage. Tu vas être sage et pendant mon voyage, tu vas habiter chez tante Georgette. » Il ne la reverra plus. Le petit Maurice n'a encore jamais songé à faire de la danse à l'époque. Il s'intéresse avant tout au théâtre, notamment grâce à son père, qui est le philosophe Gaston Berger. Son père lui fabrique des théâtres de marionnettes. Il lui lit Shakespeare. Il lui met en scène pour lui tout seul les pièces de Guitry. Et pour l'instant, Maurice rêve de devenir torero. Oui, il s'entraîne en Camargue avec des vachettes, une cape et des banderilles qu'un torero lui a données. Seulement voilà, son médecin le trouve décidément trop maigre et il insiste pour qu'il fasse du sport. Et c'est pour ça qu'il va commencer à faire de la danse. Et c'est voilà ce petit garçon qui suit maintenant l'enseignement de Madame Giannacci, qui est une ancienne étoile de la Scala de Milan. Toutes les semaines, il se rend donc au studio de danse, qui est au premier étage d'une vieille maison tout à fait délabrée, assez proche du vieux port. Et il faut imaginer le petit Maurice qui monte là, le ventre noué, il grimpe les escaliers 4 à 4, parce que, disons-le, cette prof le terrifie. Elle a un accent à moitié italien, à moitié marseillais, elle hurle « Travaille feignasse !» lui crie-t-elle. « Tu as des pieds comme deux courgettes farcies !» Le jeune Maurice travaille, travaille sans relâche et même après les cours, il perfectionne ses mouvements, il essaie d'assouplir ce corps qu'on a beaucoup commenté déjà. Il le façonne, son corps, en 46. 46, il a donc 19 ans, puisqu'il est né le 1er janvier 27. 46, 27. Il parvient à intégrer le corps de ballet de l'Opéra de Paris et il va suivre l'enseignement, alors là, d'un grand maître, Léo Stats, avec un corps pareil. Comment oser le mettre torse nu sur scène sans que la salle éclate de rire ? Bon, d'accord, il saute bien, mais non, c'est pas possible, dit le maître. Et le jeune danseur connaît cette humiliation suprême lorsqu'on lui attribue dans Le Festin de l'Araignée, grand ballet mis en scène par Léo Stats, enfin chorégraphié en tout cas, on lui attribue le rôle du ver de terre. Le voilà maintenant tout entortillé dans un costume ridicule qui doit traverser la scène en roulant, en rampant par terre. Ah oui, c'est pas très grandiose. C'est pas encore les grands rôles du répertoire. On peut dire que les rêves de Maurice sont en train de se fracasser un peu. Le triomphe lui paraît loin et pourtant il n'a pas dit son dernier mot. Certes, il a les jambes un petit peu courtes, le corps pas idéal, et son génie n'est pas celui qui viendrait comme ça a priori à l'esprit, mais il a d'abord ce regard, et puis cette force et cette persévérance et cette vision, et bientôt il comprend que plus encore que la danse, ce qu'il aime, c'est faire une œuvre, c'est créer, c'est chorégraphier. Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de la vie de l'un des plus célèbres chorégraphes du XXe siècle, Maurice Béjart. Nous sommes en 1946, il est arrivé tout droit de Marseille, le jeune danseur a intégré l'Opéra de Paris, on l'a suivi avec vous. Il songe maintenant à devenir chorégraphe. Quelles sont ses influences à l'époque ? Alors, il y a beaucoup d'influences. Maurice Béjart est un homme qui a une immense culture dans ce qu'est la danse, mais Son influence principale, si on peut dire, c'est celle de l'école russe. On est après-guerre. Vous savez que beaucoup de danseurs et de professeurs de danse russe se sont installés à Paris après tous les événements qui ont bouleversé la Russie au début du XXe siècle, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a eu aussi les représentations de Diaghilev et que certains sont restés à Paris ou à Monte-Carlo. Cette école russe va façonner la vision de la danse de Maurice Béjart. Il passe ses journées à répéter au studio Wacker, qui est près de la place Clichy. Il côtoie là toutes sortes de professeurs de danse russe. Ariane Dollfus écrit « Cet apprentissage russe est fondamental parce qu'il est la base même de son académisme. Ce à partir de quoi Béjart va se positionner puis transgresser certaines lignes mais sans jamais renier ses sources. Bien au contraire. D'ailleurs, il choisira toujours des maîtres de ballet russes dans sa compagnie. Assaf Mesurer, puis Yuksovski et Plissetsky. » Dès 1954, Maurice Béjart crée donc sa propre compagnie, le Ballet de l'Étoile. Pourquoi ? Parce qu'il joue au Théâtre de l'Étoile, vous savez, avenue de Wagram. On ne peut pas dire que ce soit pour l'instant un grand succès, puisque lors des représentations, il y a plus de danseurs sur scène que de spectateurs dans la salle. Oui. Mais Béjart, si vous voulez, n'a pas encore trouvé son style. Il est encore un peu dans la copie. Il tâtonne, il échoue souvent, mais persévère. Il finit par se trouver. « Je ne crois pas au génie, dira-t-il. Je crois que l'on se trouve en faisant des choses extrêmement mauvaises pendant très longtemps. » Et justement, à force de tâtonnement, la révélation arrive en 55. Béjart monte le ballet Symphonie pour un seul homme sur une musique de Pierre Henry. C'est lui qui a tout conçu, jusqu'aux costumes, jusqu'aux lumières. Et les critiques saluent l'acte de naissance d'un chorégraphe. On est en 55, vous voyez. Les critiques soulignent ce vent de nouveauté que Béjart apporte à la scène classique. C'est un ballet qui, je crois, sans vouloir jouer les Paul Claudel, m'a été donné, dira-t-il. Je n'ai eu aucune conscience de ce que je faisais, je n'ai eu aucun travail de recherche. Désormais, il se jette avec fureur dans la création et on le voit produire sans relâche. Quand je dis sans relâche, entre 55 et 59, il va produire une trentaine de ballets. Alors, il ne parvient pas à obtenir les fonds nécessaires pour établir sa troupe dans un théâtre à Paris et c'est la raison pour laquelle on va le voir partir pour Bruxelles, où il fonde donc le Ballet du XXe siècle. Ça, c'est évidemment le nom qui restera et lui-même sera pendant 27 ans à Bruxelles, formant les plus grands danseurs contemporains, créant ballet sur ballet dans une espèce d'atmosphère de frénésie. S'il travaille autant, c'est qu'il cherche à atteindre un absolu. Il veut trouver un théâtre, c'est lui qui emploie le mot, un théâtre du corps, un théâtre de l'émotion. Il veut rapprocher la danse du sacré. La danse est un phénomène sacré par excellence, dit-il. On ne peut pas séparer le phénomène chorégraphique et le phénomène religieux. Et il dit « La danse est un rite à la fois sacré et humain ». Ce n'est pas un hasard si on est dans les années 60 et au début des années 70. Vous voyez, vraiment dans ce mouvement de spiritualité tous azimuts, on cherche une forme, on cherche à atteindre à cette spiritualité par les rites dansés. Tout ça présente une grande importance dans le processus de création de Béjart et dans sa vie d'ailleurs, puisque le chorégraphe ne cesse de voyager en Inde, en Égypte, en Iran. Il fait des voyages physiquement, mais aussi spirituellement, à travers les religions, passant de la foi catholique au bouddhisme japonais, de l'hindouisme à l'islam. Il se convertira d'ailleurs à l'islam en 73. On le verra réciter ses fameuses 5 prières par jour en arabe. À Avignon, en 68, il commence son ballet « Messe pour le temps présent » par une très longue méditation des danseurs. Et dans le public, on commence à entendre des gens tousser. Il y a une spectatrice qui s'impatiente et Jean Villard qui est là. Hein. On est en 68, il est encore là à Avignon. Villard dit « Oh, vous savez, Béjart est dans son quart d'heure hindou. Et là-bas, les quarts d'heure hindous, ça peut durer des heures. » Cette quête du sacré, Béjart va l'approfondir œuvre après œuvre. En 61, il connaît un véritable triomphe avec son boléro sur le thème obsédant de Maurice Ravel. Vous savez, il fait onduler littéralement les danseurs comme s'ils étaient en transe. Et au premier plan, il y a le soliste, le grand célèbre danseur argentin George Donne, pour qui Béjart est pris de fascination. Il est là, torse nu, qui balance, qui ondule inlassablement jusqu'à atteindre lui-même une sorte d'extase. Et Béjart est propulsé propulsé, on peut le dire, sur le devant de la scène. En quelques années à peine, le monde s'ouvre à lui. Il va faire des tournées au Liban, on le verra danser, enfin faire danser devant les temples antiques de Baalbek, au Mexique, au Brésil, en Argentine. Ses interprètes sont Sylvie Guilhem, bien entendu, Marie-Claude Pietragala, Rudolf Nureyev, enfin tous les plus grands. Et le public accourt pour voir ses ballets, le grand public même, car Béjart bouleverse les codes traditionnels en 70. Il choisit, et ça c'est assez incroyable, il va donner la première de son oiseau de feu au Palais des Sports. Il faut vous dire que, c'est vrai, le Palais Garnier était fermé pour travaux, mais enfin quand même, le saut est grand, si je puis dire. Il a offert le premier rôle à un danseur qui n'est pas encore une étoile, qui est seulement, si je puis dire, premier danseur à l'Opéra de Paris. Béjart, à ce moment-là, est au sommet de son art. Et pourtant, dans sa vie personnelle, il se fait de plus en plus solitaire, secret. On ne le voit quasiment jamais dans les cocktails, dans les mondanités. Il sort vraiment de moins en moins pendant les répétitions. Il peut lui arriver d'avoir des absences, il se montre sombre. Et de temps en temps, il a des espèces d'accès de cruauté qui glacent littéralement l'assistance et la compagnie. C'est la danse qui l'obsède, c'est sans doute aussi une forme de spiritualité. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire depuis 14h de Maurice Béjart et ce danseur talentueux est devenu aujourd'hui un grand chorégraphe. Oui, le plus célèbre de sa génération, incontestablement. Je me rappelle quand j'étais petit que je le voyais à la télé, il y avait beaucoup d'interviews de Maurice Béjart et j'étais fasciné, il m'hypnotisait d'une certaine manière. Je trouvais qu'il était l'incarnation humaine, si vous voulez, du vampire. Eh bien, c'était effectivement sa façon de procéder. Il avait tendance à développer une espèce d'obsession pour un artiste qu'il aimait passionnément. Alors là, il ne voyait plus que lui. Il voulait tout connaître de sa personne. Il voulait absorber littéralement son psychisme. Et puis d'un seul coup, au bout de quelques mois, eh bien, c'était fini. Le charme était rompu. Il s'en occupait plus. Il le laissait retomber. Et pour le danseur, c'était terrible. C'est Daniel Lommel qui se souvient de la souffrance que ça pouvait provoquer chez les artistes. Chez Maurice, on n'existait que s'il vous regardait, dit-il. Un jour, il vous voit moins parce que vous l'inspirez moins et c'est très dur à vivre. Mais il faut accepter l'idée qu'un danseur a une durée de vie créative qui s'arrête à un moment. C'est ce qui s'appelle donner beaucoup d'excuses aux vampires, en l'occurrence. Maurice Béjart est très souvent venu ici dans les studios d'Europe 1 pour donner des interviews. Une des dernières fois, c'était avec Dominique Souchier. On va entendre d'ailleurs Dominique Souchier lui poser une question. C'était en 2004. De l'art d'être grand-père, qu'est-ce qu'apporte à la danse la condition de grand-père ? C'est-à-dire que petit à petit, on voit la différence d'âge. Et en même temps, ce qui est formidable, c'est qu'en vivant avec des jeunes, le matin, j'arrive à 9h au cours et je donne la leçon à des élèves qui ont 16 ans. Et donc, je me rends pas compte que j'ai des 77, vous voyez. Je me rends pas du tout compte. Alors, je fais comme eux. Bon, j'ai beaucoup plus mal au dos qu'eux. Mais non, c'est formidable parce que ils vous donnent leur jeunesse et je leur donne ce que je sais de la danse. Vous voyez, toujours cette idée hein, de vampirisation d'une certaine manière. Et à mesure que se durcissent les traits de Maurice Béjart et que sa barbiche devient poivre et sel, il revient, lui, à ses racines. En 78, son 100e ballet, La Gaîté parisienne, est une œuvre presque autobiographique qui raconte l'histoire du jeune Bim, c'est le surnom de Maurice quand il était enfant, qui arrive à Paris pour apprendre la danse. « Dans le fond, je fais toujours le même ballet, dit-il. Tous mes ballets sont une sorte de journal intime, plutôt qu'une succession d'œuvres d'art. Il a peur du vide, sans doute. Il s'arrange pour travailler toujours à la fois sur 2, 3, voire même 4 ballets à la fois. Et au fil des années, ses hanches lui font de plus en plus mal. Son cœur devient fragile. Il est hospitalisé d'ailleurs à Lausanne. Et sur son lit d'hôpital, il imagine de nouveaux ballets. Il pense à ses danseurs. Il vit très mal le fait de n'être plus entouré des danseurs. Un dimanche, c'est Ariane Dollfus qui raconte cela, un dimanche, Maurice Béjart demande à sortir de sa chambre pour venir voir ses danseurs travailler. Il vient au studio du chemin du presbytère, à la grande surprise des danseurs, reste une bonne heure, regarde avec attention le dos droit, l'œil perçant, fait ses corrections, puis repart vers l'hôpital. Sans doute avait-il espéré secrètement vivre ce jour-là, ce rêve qu'il répétait aux journalistes depuis des années. « J'espère mourir dans un studio de danse en éclatant de rire. » Bonjour Ariane Dollfus. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous aviez consacré à Nourieff une passionnante biographie et voici donc Maurice Béjart. On a avec Nourieff et Béjart les deux danseurs les plus célèbres de leur temps, tout simplement. Les deux danseurs et chorégraphes en l'occurrence. Oui, absolument. Ils sont complémentaires. Enfin, ce n'est pas anodin d'ailleurs s'ils deviennent célèbres tous les deux, s'ils sont en surgit. Sont les deux faces d'un même art, si je puis dire. Le classique et le moderne. Exactement. Et puis l'interprète, le chorégraphe, la tradition, la modernité, et puis surtout le besoin du public. Ça, c'est clair que l'un comme l'autre ont compris l'importance et le besoin d'ouvrir la danse à un plus large public. Et d'ailleurs, l'offre crée l'offre et la demande crée la demande. Et je pense que il y avait une attachée de presse que je connaissais bien, qui était attachée de presse des deux de nos deux héros, et elle me disait, mais Maurice me demandait toujours quelles étaient les recettes de Rudolph au Palais des Sports, et réciproquement. Donc, et puis on sait aussi la fameuse querelle qu'il y a eu à l'Opéra de Paris. Donc, alors bien sûr, oui, qui a été quand même assez épique. Oui, oui, tout à fait. Vous voulez que je la raconte ? Oui, en deux mots. Oui, alors donc en 87, Nourieff est à la tête du ballet de l'Opéra de Paris depuis maintenant 4 ans. Et il invite Béjart pour faire une création que Béjart nomme Arepo, qui est un anagramme d'opéra, où il se moque un peu de l'opéra. Et puis à la fin de la première du spectacle, Béjart arrive sur scène. Quand comme vous dites qu'il se moque un peu, il se moque même bien. En fait, oui, non oui, oui, absolument. C'est quasiment parodique, en fait. Oui, il a un rapport de haine et de passion pour l'Opéra de Paris. D'ailleurs, ce sera toujours très, très, très tumultueux. Et donc, à la fin du spectacle, il nomme étoile deux danseurs. Et ça, il n'a absolument pas le droit de le faire. C'est l'apanage du directeur. Et Béjart, et Nourieff plutôt, est en coulisses et fait niette de la main, comme ça, en disant « poisson d'avril ». Et alors, ça a déclenché une guerre. Parce que le public s'en est mêlé, il faut le dire. Enfin, ça a été vraiment une histoire. Oui, et puis surtout les médias, parce que TF1 était là. TF1 avait été, comme par hasard, très au courant de la chose, avant même la direction de l'opéra. Et le lendemain, Béjart va aller au journal télévisé de Mourouzi au 13h et en déclenchant une foudre de colère sur Nourieff. Qui est très curieuse. Et vous parliez tout à l'heure de ces faces sombres. En voilà une. Finalement, Béjart, on a tous l'impression que c'est un chic type. Ce qui est vrai. Et ce qui est aussi faux, la preuve. C'est-à-dire que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un énorme ego. C'est une personnalité très saillante. Et comme toujours dans ce cas-là, il est capable du meilleur, mais nous allons le voir aussi du pire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pour cette émission consacrée au danseur et chorégraphe Maurice Béjart qui voulait vivre pour danser, et vous recevez pour aller plus loin et apprendre à découvrir Maurice Béjart plus intimement Ariane Dollfus. Elle est journaliste, écrivaine, critique de danse et de théâtre, et elle est l'auteur du livre Béjart, le démiurge, paru chez Artaud. Nous ne reviendrons peut-être pas tellement sur l'enfance, même si vous l'avez enfin rendu public, j'allais dire, cette enfance que lui-même cachait plutôt, Maurice Béjart. Il ne faisait pas vraiment de références. Quand il faisait des références, c'était toujours les mêmes, si je puis dire, dans les interviews qu'il donnait. Ah, il a quand même beaucoup parlé de son père. Son père, oui. Ça, ce qui est quand même... Mais vous l'avez bien dit d'ailleurs. Il est le fil continu de son père. Là où son père pensait par la philosophie et par le livre, Béjart a transposé quelque part les préoccupations de son père par la danse. Oui, et il les a poursuivis, il les a prolongés d'une certaine Exactement. Manière. Il y a du Gaston Berger dans Maurice Béjart, en fait. Tout à fait. Mais regardez, c'est quand même la similitude, ça m'a amusé aussi. Vous avez dit que Béjart avait pris ce nom par rapport à Armand de Béjart, ce qu'il a effectivement toujours dit, mais quand on regarde d'un point de vue lexical, oui, Béjart-Berger, Berger-Béjart, il y a le même nombre de lettres. Presque une anagramme, enfin en tout cas, il y a une assonance. Voilà, il y a une assonance, absolument. Alors, il n'était pas au départ destiné à la danse. Nous avons vu sa passion pour le théâtre, un corps qui n'était pas le corps charpenté d'un beau danseur, au départ en tout cas. Non, il aurait fait un bon chanteur, d'ailleurs, voilà, oui. il a voulu au départ. Au départ, c'était vraiment le théâtre et l'opéra qui lui plaisait beaucoup. Et puis, il a vite compris qu'il n'avait pas de voix. Et puis, il s'est découvert un corps, malgré tout. Malgré tout, un corps qu'il a forgé, en quelque sorte. Il y a beaucoup de volontarisme chez Maurice Béjart, d'une façon générale. Ah oui, absolument. Je pense que Il y a aussi du volontarisme parce que je pense qu'il est très très réaliste par rapport à lui-même et par rapport à ses propres talents. Et puis il savait très bien qu'en venant de Marseille, avec le corps petit rablé qu'il avait, en n'étant pas parisien, en arrivant à Paris avec son fort accent marseillais, en n'étant pas de l'Opéra de Paris, il cultivait quand même des barrières qu'il fallait franchir et qu'il a franchi. Le goût de la culture, de la pensée, de la philosophie lui était quasiment inné, on va dire qu'il est né dedans. Celui de la religion aussi, des religions, c'était un homme intensément spirituel qui paraissait constamment en quête. Il a été à peu près tout ce qu'on peut être sur un plan religieux. Oui, absolument. Alors beaucoup de gens s'en sont moqués en disant que c'était des croyances de pacotille. Moi je ne crois pas, je crois vraiment qu'il a voulu chercher d'abord à marcher encore une fois dans les traces de son père qui était très fasciné par les religions orientales. Et ensuite, parce qu'il avait, il était en quête personnelle, et c'était, je pense que quand il s'intéresse grandement à l'hindouisme, ça n'est pas factice. Il lit beaucoup de littérature sur le sujet. Il s'imprègne du fond de chaque culture qu'on va revoir ensuite exploser, si j'ose dire, dans ses ballets. Dans ses ballets, absolument. Ces ballets, comme vous dites, vous l'avez cité en disant que il disait que ces ballets n'étaient que le journal intime de ses émotions. Provisoire, effectivement, et la spiritualité étant un de ces sujets. En fait, c'est du recyclage, si on a une vision peut-être un peu grossière comme ça. Il a une passion, il la chorégraphie, il la transmet au public. C'est un homme qui vit dans des fièvres successives, en quelque sorte. Je parlais des passions qu'il éprouvait pour certains danseurs, certaines danseuses, et puis ensuite, il passe à autre chose, d'une certaine manière. C'est la même façon de procéder avec les cultures, avec les références, avec les courants, avec les musiques. Il est l'homme d'une passion, et puis ce sera ensuite une autre, ce qui lui permet de se renouveler sans cesse, bien sûr. Exactement, de renouveler ses sujets de ballet. Et ce que je trouve assez beau, c'est que justement ces sources d'inspiration, il les cite. Il pourrait ne rien dire et puis distiller comme ça un peu de Wagner parce qu'il est passionné par Wagner, un peu de Malraux parce qu'il aime bien et l'œuvre et le personnel. Mais lui, il le dit très clairement qu'il a des admirations absolues et il a comme si son talent ne pouvait se produire qu'avec le talent des autres. Voilà. Et ça, je trouve ça assez généreux. Et finalement, c'est en ça qu'il est un chorégraphe d'une certaine manière. On ne parle quasiment pas du danseur Maurice Béjart, on parle du chorégraphe essentiellement. Oui, parce qu'il s'est assez vite arrêté de danser. Mais vous savez, il y a aussi des danseurs eux-mêmes, très béjartiens, qui disent qu'il n'est pas chorégraphe. Alors, il est plus metteur en scène d'idées. Et oui. Et Béjart dit lui-même qu'il n'est pas un chorégraphe révolutionnaire. Et ça, je pense que c'est la principale des critiques qui lui auront été adressées, puisque certains disent « mais enfin, Béjart, c'est de la poudre aux yeux, il n'y a rien, ce n'est pas un novateur, ce n'est pas quelqu'un qui innove dans son domaine, il ne fait que mettre en scène les idées des autres ». C'est ce que j'ai souvent lu à propos de Béjart. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? Mais il ne le nie pas. Hein, ouais. Quand il dit « je ne suis pas révolutionnaire, je dépoussière » et « inventer des pas, je le laisse à d'autres ». Il a écrit ça dans les années 60, ce qui est quand même à la fois une manière d'avouer sa méthode de travail. C'est vrai qu'il n'est pas Balanchine, il n'est pas Pina Bausch, il n'est pas William Forsythe. Finalement, sa préoccupation première est plus d'ordre intellectuel. Il a dit aussi cette phrase que je trouve très importante, « La danse n'a plus rien à raconter, elle a beaucoup à dire. » Voilà. Et dans la danse, on peut parler de tout. Il a envie de parler, et voilà pourquoi on parle aussi beaucoup dans ses ballets. C'est que, dans le fond, la danse est un moyen... mais ça n'est pas l'objectif absolu. Et voilà peut-être pourquoi il s'adresse à un très grand public et il peut s'offrir le luxe, si je puis dire, en 1970, d'être carrément sur la scène du Palais des Sports, ce qui à l'époque paraissait complètement fou, même si depuis, de nombreuses compagnies lui ont emboîté le pas. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons revenir justement sur un certain nombre des grands ballets de Maurice Béjart. Nous allons voir quelles ont été ses créations marquantes. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire du danseur et chorégraphe Maurice Béjart. Vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Nous allons d'ailleurs parler avec votre invité Franck Ferrand de ses ballets à Maurice Béjart avec Ariane Dolfus. Elle est journaliste, écrivaine, critique de danse et de théâtre et auteure de la biographie Béjart, le démiurge, paru chez Artaud. Et Monique nous dit sur Facebook, magnifique chorégraphie du Boléro de Ravel avec Georges Donne. Alors, vous allez faire réagir en disant écrivaine. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on emploie ce terme dans cette émission, mais enfin, pourquoi c'est pas bien, non tout change. Moi, comme je, des murs, moi, genre, je ne suis pas, pas pour. Hein. Moi, je ne suis pas pour, mais enfin, bon, admettons. Ou auteur. Auteur, voilà. Comme allez, ça, comme ça chacun l'entendra comme il veut. Évidemment, Maurice Béjart a été un personnage grand public. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle encore autant de lui, et pas seulement dans le petit cercle des amoureux de la danse. Voici ce que disait François Chalais au micro d'Europe 1, justement au tournant des années 70. C'est Maurice Béjart, justement, qui a dit à peu près ceci. Il n'y a que deux catégories de gens qui aient véritablement le droit de parler d'un spectacle de danse, ceux qui sont avertis des moindres nuances de cet art et ceux qui n'y connaissent rien. Je me reconnaîtrais plutôt parmi ces derniers, ou plus exactement étant de ceux que les tutus font bâiller, que les vieux abonnés de l'opéra horripilent et que le lac des cygnes fait fuir, je dois à Béjart la merveille de cette révélation, j'aimais la danse sans le savoir. Maurice Béjart nous parle en même temps qu'il parle en notre nom. C'est vrai pour le comprendre totalement qu'il faut être très savant ou alors tout à fait ignare. L'analphabète que je suis se laissera simplement emporter par la vague. Il résistera d'abord un peu à un déluge de mots pas toujours accessibles, s'éveillera brusquement à quelque chose d'extraordinaire quand la danse prendra son élan sur des gerques de Pierre-Henri, sera bouleversé de voir que tous ses souvenirs de l'horreur politique correspondent exactement à la transposition que Béjart en a fait dans la séquence qu'il a intitulée « Mein Kampf ». La nuit, puis le silence, le plongeront dans un univers qu'il ne soupçonnait pas, mais qui en une seule seconde lui deviendra aussi familier que ses sentiments les plus intimes. Et lorsque surviendra la fin, que les danseurs presque immobiles déposeront sur la scène de petites lumières clignotantes, rouges comme il y en a sur les voitures de pompiers, alors la peur le saisira, la peur d'un lendemain que certains voudraient désespérer, mais contre lequel d'autres que nous aimons ne cessent de nous mettre en garde. J'ai toujours envié ces hommes qui pouvaient se dire les contemporains de Molière et de Racine. Je pense que nous pouvons nous réjouir d'être les contemporains de Maurice Béjart. Si ça n'est pas un hommage à Ariane Dolfus. Hein. C'est drôlement bien écrit en plus. Alors ah, je suis jalouse, François Chalais. C'était Chalais, hein, ça, oui. Mais François Chalais est littéralement subjugué. Je pense que c'est par la messe pour le temps présent, là, probablement. Absolument, hein, absolument. Oui. Il parle de cette œuvre-là qui est créée en 67 et qui, mm-hmm. c'est intéressant parce que c'est quand même un an avant mai 68. Hein. Et c'est déjà une œuvre pour la jeunesse et une œuvre de révolte de la jeunesse. Et en même temps, c'est une œuvre philosophique et c'est une œuvre spirituelle. Enfin, et à Avignon, comme vous l'avez raconté, ça a duré 3 heures, 4 heures. Et les gens restent. Et c'est ça que je trouve très épatant. Quand vous dites que c'est un personnage grand public et qu'il est rentré dans l'inconscient collectif, c'est vrai, avec des œuvres parfois difficiles. Oui. Et c'est là où c'est très fort. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, et dans le choix des musiques, et évidemment dans celui des chorégraphies, il ne brosse pas forcément le public dans le sens du poil. C'est quand même un peu différent de ce à quoi on avait pu être habitué à l'époque. Ah, exactement. C'est pour ça qu'il disait qu'il fallait une révolution. La danse avait besoin d'une révolution morale et esthétique et qu'il fallait savoir parler de tout. Et vraiment, dans Messe pour le temps présent, il y a des pages entières de Zarathoustra. C'était pas si évident. Oui, on réclamait beaucoup du public. On le tire vers le haut, si je puis dire. Hein. Exactement. Les grandes œuvres, on pense toujours au Boléro de Ravel, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, quand on évoque Béjart, on pense toujours au Boléro, d'une façon générale. Et alors, on pense toujours au Boléro avec Donne. Et alors, je voulais réhabiliter quand même la créatrice du rôle, parce que c'est une femme. Oui. C'est Dushka Sifnios, qui était qui venait de Belgrade. Et, Béjart a eu cette illumination, cette vision, et ça c'est intéressant quand on veut comprendre comment Béjart crée. Il est en Italie, au bord d'une plage, et il voit apparaître, surgir de la mer, une femme magnifique, un peu comme Ursula Andress en James Bond Girl. La naissance de Vénus, version 20e siècle. Voilà, exactement. Eh bien, je vais mettre cette Vénus sur la table, sur une table rouge, et je vais en faire le Boléro. Et ensuite, en 79, donc 18 ans plus tard, il donne le Boléro à un homme, et en l'occurrence Georges Donne. Et là, il y avait même une démarche très politique qui consistait à dire, eh bien, un homme va pouvoir danser la même chose qu'une femme, et une femme la même chose qu'un homme. Et aujourd'hui encore, le rôle est dansable par un homme ou une femme. Oui, il y a une dimension d'ailleurs assez androgyne dans la chorégraphie de Maurice Béjart. Il va constamment jouer sur cette ambiguïté des genres. Hein. C'est fondamental même dans son art. C'est fondamental, absolument. Alors certains, les Américains notamment, qui vont absolument détester Béjart et ça perdure encore. Les Américains n'aiment pas Béjart. Ah, c'est très curieux. Moi, quand on étudie Béjart, on se dit, alors voilà, vraiment un artiste parfait pour les Américains. Ben oui. Hein, c'est la grandeur, c'est grand public. Il a même un petit côté américain comme ça, oui, voilà. Oui, oui, voilà. Et les Américains, en tous les cas, l'élite américaine, a toujours détesté Béjart. Et aujourd'hui encore, quand vous parlez à des journalistes, mes confrères américains ou anglais, ils vous regardent en soupirant. Ceux qui sont spécialisés dans la danse, oui, ça on peut le comprendre, oui, ça peut-être. Mais le grand Et public aussi. Ça va beaucoup frustrer, ça va beaucoup vexer Béjart qui, si vous regardez bien les 350 ballets qu'il a créés, aucun ne parle de la culture américaine. Alors même qu'il s'est intéressé à toutes les cultures du monde, à l'exception de notamment la des cultures orientales, la culture persane, la culture indienne, la culture arabe. Ça fait partie, ça énerve littéralement ces ballets. Absolument, absolument. Et c'est en créant Golestan, donc qui est un célèbre roman perse. C'est en créant Golestan qu'il rencontre des musiciens soufis qui vont lui faire rencontrer leur maître soufi et qu'il va jusqu'à se convertir à l'islam chiite. Ah oui. Et ça, c'est en quelle année en la conversion 74. Ça n'a pas fait le scandale que ça pourrait faire aujourd'hui. On imagine bien. C'était absolument. Dans un contexte plus apaisé. Absolument. Et du coup, il en parlera. Et toujours, moi, quand je lui en parlais de ça, il bottait toujours un peu en touche parce que. Il est resté musulman jusqu'à la fin de ses jours. À ma connaissance, oui. Et alors, il n'a pas pris. C'est vraiment typiquement quand on se convertit au chiisme, si j'ai bien compris dans mes recherches, c'est une démarche plus extrêmement intellectuelle qui n'a absolument rien à voir avec les conversions dont on peut assister aujourd'hui. Oui, ce ne sont pas les conversions à la petite semaine, si on peut dire. La radicalisation, bien sûr. On a parlé de ces danseurs, vous avez cité deux ou trois d'entre eux. Certains sont devenus des stars de la scène du ballet. Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'était d'ailleurs une source de conflit entre Béjart et ses danseurs. C'est comme s'il tirait toute la lumière à lui, en fait, non ? Oui, alors je pense que les médias sont un petit peu coupables, nous tous, parce que nous, au bout d'un moment, nous avons fait parler Béjart plus que ses danseurs. Et puis Béjart parlait formidablement bien. Mais c'est vrai qu'il ne les a pas mis tellement en valeur. Mais c'est la même chose chez Pina Bausch. Qui connaît les danseurs de Pina Bausch, hormis elle ? Non, bien sûr, c'est vrai. Chez Balanchine aussi, un peu. Donc, ils ont presque un caractère interchangeable. Il faut qu'ils s'effacent derrière la création du maître. Exactement. Ou de la maître de ballet. Surtout quand on a une compagnie de répertoire, il faut que les ballets s'enchaînent au fil des ans. Et effectivement, Béjart choisissait ses interprètes en fonction de ceux qui partaient pour reprendre les rôles. Est-ce que d'après vous, il a des continuateurs, des disciples, des épigones aujourd'hui, Maurice Béjart ? Eh ben, c'est intéressant parce que je pense qu'il en a sans en avoir. C'est-à-dire que, vous savez, il a créé une école en 70 qui s'appelle l'école Mudra, qui veut dire le geste en sanskrit. Et ensuite, en arrivant à Lausanne en 92, enfin, 5 ans après être arrivé, il crée Rudra, qui continue toujours. Et on peut imaginer qu'effectivement, il ait eu des élèves. Eh bien non. Et ça, c'est très fort de sa part, parce qu'il avait toujours cette idée qu'il voulait faire une école pour qu'ils apprennent la chorégraphie, mais aussi tous les arts, et qu'il fallait surtout pas que ses danseurs fassent comme lui. Et effectivement, très peu font du Béjart aujourd'hui. Et tant mieux. Oui, ça restera l'apanage de Béjart qui a été servi, il faut le dire, par tous les moyens techniques et technologiques. Il est possible aujourd'hui d'avoir des films de presque tous les ballets. Hein, c'est... De presque tout, à l'exception de toutes les années 60. Voilà, le début. Parce que tout a brûlé. Les archives ont brûlé à Bruxelles en 92, malheureusement. Merci beaucoup, Ariane Dollfus. Vous êtes l'auteur de cette très fine, très juste biographie de Maurice Béjart, sous-titrée « Le démiurge ». C'était bien un démiurge. J'ai cru comprendre que certains de nos auditeurs étaient allés chercher la définition dans le dictionnaire. C'est une bonne chose à faire de temps en temps. Et je rappelle que le Béjart Ballet vient la semaine prochaine et donnera la Flûte enchantée, qui est un ballet très important. Non seulement vous le rappelez, mais Lorraine Martin va venir nous raconter ça dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et depuis 14h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Maurice Béjart. Et il y a des dates très importantes à noter si vous aimez Maurice Béjart et ses chorégraphies. Et c'est Lorena Martin qui va nous parler de ses rendez-vous. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors comme le disait Ariane Dolfus à l'instant, il y a effectivement pendant 5 jours, là, du 7 au 11 février, au Palais des Congrès, un peu de Béjart à Paris. Un peu de Béjart, la flûte enchantée qui revient à l'occasion des 10 ans de la disparition de Maurice Béjart et des 30 ans de sa compagnie. Le Béjart Ballet Lausanne donc, est actuellement en tournée internationale et s'arrête donc à Paris, spécialement pour la France, donc avec ce ballet qui a été remis donc par Gilles Roman, le directeur artistique de la compagnie qui reprend cette célèbre chorégraphie de Béjart. Il avait été désigné, vous savez, comme successeur par Béjart lui-même et c'est un ancien danseur de la compagnie qui a été son adjoint. Et ce ballet donc met en scène la partition de Mozart dans une version musicale du Philharmonie de Berlin de 1964. Le ballet dure 3 heures puisqu'il respecte intégralement la partition de Mozart. Et c'est l'orchestration, enfin c'est la version qu'avait donnée Carl Böhm en 64, exactement. Très grande version de la flûte enchantée. Exactement, et donc c'est l'ultime opéra de Mozart, mise en danse par 44 danseurs. Il faut imaginer là des costumes très originaux, très colorés, avec des hommes souvent en pantalon, torse nu, dans les tons de rouge, etc., ou bleu. Il y a 44 danseurs, je le disais, et donc cet ultime opéra, puisque Mozart mourait à 36 ans, quelques mois après. C'est le dernier, c'est un Singspiel, d'ailleurs, c'est pas tout à fait un opéra, c'est une espèce de pièce inclassable. Oui, on est là entre le conte fantastique pour enfants, le drame philosophique, la fable initiatique. Je vous passe la suite, et Maurice Béjart lui-même avait expliqué un petit peu ce ballet en disant « Ce mélange peut nous sembler étrange, constatons premièrement qu'il fonctionne parfaitement et que l'alternance des scènes soit magique, soit franchement comique, avec un message philosophique d'une grande hauteur de pensée, nous rend plus perméables à recevoir le symbolisme non seulement avec notre esprit, mais avec notre être total. » Et voilà, avec notre être total, finalement c'est la conclusion un peu tardive du beau récit de Mathilde Hirsch sur cette recherche, cette quête permanente d'un Maurice Béjart qui a quelque part accompli son grand œuvre. Merci beaucoup Lorena Martin. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et le vendredi, Franck, vous nous proposez un coup de cœur. Ce week-end, il ne va pas faire beau du tout. Vous nous conseillez donc d'aller nous abriter au cinéma. Oui, alors, vous savez, les films américains sur la presse américaine sont très nombreux. Ils finissent quasiment par constituer un genre à part entière, un peu comme les films judiciaires ou ceux qui s'attachent à parler de la mafia. C'est la mode depuis au moins 20 ans maintenant. Il y a beaucoup de cinéastes plus ou moins engagés, d'Alan Pakula à Robert Redford, d'Oliver Stone à Ron Howard, sans parler d'Orson Welles, de Frank Capra bien entendu, qui ont déjà donné dans ce registre du film de presse, qui ont mis en scène de grandes rédactions. Évidemment, en plus c'est particulièrement cinématographique, hein, c'est facile si je puis dire, mais il faut savoir le faire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Steven Spielberg, l'inoxydable Spielberg, sait faire. J'ai lu un commentaire ce matin qui disait qu'il était inhabituel pour Spielberg de s'intéresser à un thème historique ou politique. Ah bon ? Il faut croire que l'auteur de L'Écho n'avait pas vu La Liste de Schindler ou Intelligence Artificielle, entre autres. Bon, qu'importe. En l'occurrence, l'actuel maître de la narration et du suspense s'attaque à un dossier sensible en ces temps de raidissement. Raidissement moins récent d'ailleurs que ce qu'on dit, à mon avis, depuis quelque temps, de cette démocratie américaine qui se crispe en ce moment. Il n'est pas indifférent que le pape d'Hollywood s'attaque à l'affaire des Pentagon Papers, hein, c'est la publication de ce rapport secret. On est à l'époque de la présidence de Richard Nixon, à l'époque aussi de la grande concurrence entre les deux grands journaux que sont le New York Times, évidemment, et le Washington Post, qui à l'époque n'était pas encore devenu la référence qu'il allait devenir après l'affaire du Watergate. Donc là, on est dans la grande affaire d'avant le Watergate qui vise à révéler au public un terrible scandale d'État, 30 ans de mensonges de l'exécutif américain sur la guerre du Vietnam. Des mensonges qui ont impliqué 4 administrations successives. Alors je ne vais pas sûrement cet après-midi prendre la place de Mathieu Charrier ou de Bruno Kras et vous donner une critique esthétique ou technique du film. Alors disons quand même que c'est impeccable, même un peu mieux que ça. Hein. Tout est rodé, magnifique, parfait. Le scénario, les dialogues, l'interprétation, mise en scène, les travelling, le storyboard aussi, vous savez, l'enchaînement des plans, tout ça est magnifique, des costumes, des décors à couper le souffle. cette capacité aussi qu'a Spielberg à livrer à chaque fois la quintessence d'une époque. Là, vous êtes en 71 et tout est là, hein, de la fumée des cigarettes au vacarme des machines à écrire semi-automatiques. Même l'écriture, d'ailleurs, nous replonge un peu dans cet esprit 70s que nous évoquions d'une certaine manière avec Maurice Béjart tout à l'heure. Du reste, c'est parce que le public sait qu'il va trouver à l'écran cette qualité Spielberg qu'il se presse en masse, parce que j'ai cru comprendre que le spectacle faisait... Ça marche déjà très fort. Alors ouais, pourquoi est-ce que je vous en parle, moi ? Mais parce que ça me paraît intéressant de... C'est assez emblématique, ce film, de la façon dont nous mythifions un certain nombre de nos propres valeurs aujourd'hui. Alors évidemment, c'est plein de bons sentiments. Hein. On est pour la liberté d'informer, pour l'émancipation des femmes, etc. Si vous aimez le politiquement incorrect, vous devriez aller voir autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que tout ça est sublimé dans des rôles incroyablement tenus. C'est d'une certaine exigence de vérité, de probité, d'audace, bref, bon, rien à dire. Bon, c'est le film à voir. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.